Esprit de Dieu, conduis-nous au creux de ton cœur. Je désire te connaître davantage et goûter à ta présence. Tu es merveilleux, Jésus. Je te cherche, plus je te découvre, plus je te découvre, plus je t'adore, plus je te cherche. Plus je te découvre, plus je te découvre, plus je t'adore. Je veux m'asseoir à tes pieds, de ta coupe, je veux m'abreuver, m'appuyer tout contre toi. Entendre ton cœur, cet amour est si grand, c'est plus que je ne comprends. Ta paix m'envahit, je suis ébloui. Oh, je suis. Jésus, plus je te cherche, plus je te découvre, plus je te découvre, plus je t'adore, au plus je te cherche. Je te cherche, plus je te découvre, plus je te découvre, plus je t'adore, oh, plus je te cherche, Seigneur, plus je te cherche. Je te découvre, plus je te découvre, plus je t'adore. Je veux m'asseoir à tes pieds, de ta coupe, je veux m'abreuver, m'appuyer tout contre toi. Entendre ton cœur, cet amour est si grand, c'est plus que je ne comprends. Ta paix m'envahit, je suis ébloui. Oh, je veux m'asseoir à tes pieds, de ta coupe, je veux m'abreuver. Entendre ton cœur, cet amour est si grand, c'est plus que je ne comprends. Ta paix m'envahit, je suis ébloui. Thank you. cherche, Seigneur Jésus. Mon cœur veut te découvrir. Alléluia. Plus je te cherche, je te découvre, plus je te découvre, plus je t'adore. Je te cherche, Jésus, plus je te cherche. Par celui qui te cherche. Tu dis cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira, Seigneur. Alléluia. Tu te laisses trouver par celui qui te cherche. Oh, tu dis, quand tu pries, entre dans ta chambre. Et ton Père céleste, qui est là dans le lieu secret, te voit. Quand tu pries, il voit quand tu le cherches, quand tu le cherches de tout ton cœur, et il se laisse trouver. Oui, il se laisse trouver, et tu le trouves, et tu découvres qui il est, sa nature, et comment il t'aime. Et plus tu découvres sa nature, ce cœur de Père. Alléluia, dans le lieu secret, plus il se révèle à toi et plus tu l'adores en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, entre dans ce lieu secret. Oh, alléluia, chantons. Je te cherche. C'est plus que je ne comprends. ta paix m'envahit, je suis ébloui. Je veux m'asseoir à tes pieds, tout à coup, je veux m'abreuver, m'appuyer tout contre toi, entendre ton cœur. Cet amour si grand, c'est plus que je ne comprends ta paix.